Non, là pareil, toi tu veux dire. Alors que Mouha, ça l'a pas. Famine, l'imada, il y a ta wadjah ou le musafirouna, il est bawabat il khouroj. Là. Il y avait un verbe dans le. Il y avait un mot qui a été mis dans le tableau pour le nouveau vocabulaire. Hasab, qui est mieux à employer. Un dash le captain. C'est le mot qui est en train. Tout cas, ma forme, alhamdoulilah. Et maintenant, pour péter les trous dans les phrases. Du mal où là, Andek. C'est quoi le mot qui manque? Non, mais pas l'arche qui va la mettre. D'ailleurs. Fanien. نعم لكن هو ايوه نعم هذا هو صحيح ثالثا ضابط كلمات سميع المسافرون نعم هذا كلمة سميعة رابعا على المسافرين سرعة التواجه إلى بوابة الخروج طيب أحسنتم نعم إلى بوابة الخروج لماذا توجهي توجهي سرعة مضاف وتوجه مضاف إليه Se diriger en vitesse, quoi. Ah, hein? C'est ça la traduction sur la traduction. Qu'est-ce que tu diriges en vitesse? Non. Voyez. Toujours dans la deuxième unité, la troue est d'un khamis, cinquième leçon. Yarnouane, bi, fi, bahoui, al-stikbal. Voyez. Dans la salle d'accueil. Ou d'arrivée. À la base, stikbel, c'est accueil. Vous voyez ? Accueil. Mais dans le sens du test, sinon, c'est... la seule quand tu arrives à l'aéroport, c'est salle d'arrivée, non ? C'est ça ? Salle d'arrivée. T'as la salle de départ, ouais, la salle d'arrivée. C'est pas salle de réception, c'est pas de départ, réception. Ouais, l'accueil, c'est quand tu arrives à la base. L'accueil. Là, ce qu'il veut dire par là, c'est la salle d'arrivée, tu vois, en fait. Mais stikbel, ça veut dire accueil. Ouais, tu vois, Stak Boulouka, c'est juste. Ce qui t'accueille dans leur pays, tu vois. Ça peut être une. Non. Voyez, Kelimat et Jadida. Akfala Yukofilou. Ça, c'est. Fermé. Ou cadenassé. À la base, coufle. Un coufle tout seul, c'est un cadenas, une serrure. Vous voyez. Fermé. Donc, c'est fermé. Mais avec sécurité, en fait. C'est plus fort que Arlaka. Ah. Alors tu dis Akfil el Beb, si tu fermes la porte, et en plus tu tournes la clé dans le verrou. Muttajihun, c'est le ism fa'il de Ittaja. Donc celui, Allazi Ittajih. Et Muttajihun, c'est l'isme féril de Ittajaha. Là, il va nous apprendre dans ce dash-là, normalement, à faire l'isme féril des verbes à quatre lettres. Ruba'i, Inch'Allah. Et celui-là, c'est pas Ruba'i, celui-là, c'est un Khumasi. En tout cas, Muttajihun, c'est l'isme féril de Ittajaha. De toute façon, la règle, elle est simple. Comme on va l'expliquer après, pour trouver l'isme féril de autre que le Sulasi, ce serait facile. Et le Roba'i, le Khumasi, Soudasi, en tout cas, c'est la même règle. Pour tout ça, quoi. Inch'Allah. Al-Jama'alik, ça c'est la douane. Al-Jama'alik. Amkana yumkino, c'est être possible. On a dit au début, yumkinuka, kaza wa kaza, c'est possible de faire telle chose ou telle chose. Amkana, c'est être possible. Être possible. Non. Yumkino hada, est-ce que cela est possible, Mathanan? Souvent ils disent Mumkin. Quand est-ce que. C'est l'ismo fa'il. Quand est-ce qu'on dit Mumkin? C'est lui-même. C'est l'ismo fa'il de Yumkin. Mumkin, c'est l'ismo fa'il de Yumkin. Fortuna, c'est un verbe, l'autre, c'est un verbe. Être possible, non? Non. Ba'd. Ba'd, ça veut dire certain. Ba'd, ça veut dire certain. Un disouel. Bah. Dans la prononciation des gens, moi je fais pas la différence entre barb avec un dod et. Bard ou barb. Hein? T'as bard et t'as bard. T'en as un dod, t'en as un del. Ouais, mais moi je n'arrive pas. Dans la phrase, t'arrives à distinguer. Après, quand tu vas prendre le. Quand tu écoutes quelqu'un, il dit bard, c'est pas. Bard, tu vois bien, quand tu l'emploies, il n'a pas le même sens que bard. Normalement, dans la phrase, tu sens la différence entre les deux. T'en as un, il est lié au temps, ou peut-être au lieu, et l'autre, il est lié aux gens. Si je dis par exemple, Diaha, Barb, Alihua. Diaha, Barb, Alihua. Tu sais que certains frères sont arrivés. Si c'est pas, il est arrivé après les frères. T'arrives dans le sens de la phrase, t'arrives à distinguer le. Après ça. Et Barb. La particularité, c'est que c'est un mot qui, en arabe, peut être attribué aussi pour une personne. Par exemple, je peux dire Ba'd al-Ikhwa qalu, certains frères ont dit, comme tu peux dire Ba'd al-Ikhwa qala. Et tu peux viser par là une seule personne. Tu peux prendre Ba'd pour une seule personne. Il faut faire attention. Il y a la Ba'd avec un dod, c'est certain. Hein? C'est certain. Avec un dod, c'est certain, ouais. Et t'en as même une fois qui avait joué ce mot-là, t'as vu que c'était fait critiquer par une personne, et celui-là il avait une tesquilla d'un cheikh qu'il connaît bien. T'as vu, un cheikh qu'il connaît bien. Donc ce frère qui avait critiqué ce frère a appelé probablement ce cheikh. T'as vu, et après quand il a vu sa parole, il a dit wa yani kallamani ba'd al mashayikh. Tu vois. Et ça se trouve, c'est un seul cheikh qui lui a parlé. Tu vois, il a traduit certains savants. Tu vois, et celui qui connaît l'anglais, c'est que Barb, tu peux dire Barb pour une seule personne. Tu vois, t'as comme ça, ne va tout par des machères, si tu as dit à Kaza, c'est ton avion, c'est ton avion, celle. Donc attention, Barb, c'est pas forcément du pour le pluriel. Des fois, tu peux envoyer un singulier, des fois, tu peux envoyer un pluriel. Ça dépend de ce que tu veux dire, toi. Al-Husoul. C'est quoi, c'est le mazdar de quel fi'a? Hassala. Hassala. Et Fusoul, c'est le dième de Fosl. Taïeb. Et là, attends que je cherche dans le texte, c'est quoi qu'il veut dire par Fusoul, sur plusieurs sens. C'est pas un mazdar, c'est le dième. De Fosl. Fosala. Et des Fusoul, ça peut être des séparations. Ça peut être des classes, comme à l'école, hein, les classes de l'école. Sur le contexte qui va arriver, on va voir ce qu'ils veulent dire. Inch'Allah. Al-Husul, c'est le mandat de. Hassala Yahsulu. Non. C'est obtenir ça, Hassala. Hassala Ala. Non. Sur le Ala. Si tu dis Hassala, c'est se produire. Se produire. Quelque chose se produit. Hey, Hassala, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une production, ça. Hein? Ça, c'est une production. Non, je pense qu'il veut l'obtention là, dans le texte. Ouais. Ils ont pas mis Allah, mais non, c'est Allah. Mais tu peux dire, ah, un seul tout à l'Al-Kitab, j'ai reçu, j'ai récupéré le livre. Ouais, j'ai trouvé, je l'ai eu, non, j'ai obtenu. Non, tu peux le dire. T'as dit, mais t'as l'Akib ibn Nahouya ou Sarfiya, Inch'Allah, elles vont apparaître dans le texte. Directement. Mais il n'y a pas Fusoul dans le texte. Ouais, j'ai regardé, je ne l'ai pas vu, peut-être qu'il va arriver après. Inch'Allah. Donc peut-être dans la partie Kira'a, pour voir. Dans la partie Ikra'a. La colline, quand on va le voir, on va le trouver. Quand même. Admiro Anta Mouazaf. La route Anta Mouazaf. Anta Mahmoud. تفضل. من أين أنت قديم؟ قادم. قديم. تجي قديم؟ سأجي أقول قديم. قديم. قديم. أيوة. لما تجي قادم، في arrivant ou. قديم. donc من أين أنت قادم؟ سأجي أقول. où est-ce que tu où est-ce que tu viens؟ نعم. c'est ça. où est-ce que tu arrives؟ voilà c'est ça. Je viens de Turquie. Donc, comme je vous l'ai dit, Mahmoud, il vient de Turquie. Mais la Turquie, c'est un pays islam. Regardez même là, il ne dit pas salam alaikum. Non. Il ne dit pas salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, il regarde là. Il en s'est dit là. Ou peut-être qu'il est d'apparence tellement. Il n'est pas musulman que le mouazaf ne sait pas qu'il a affaire. Est-ce que c'est un chrétien, est-ce que c'est un musulman? Je ne sais pas. Donc, il ne passe pas salam. Et il n'a plus de hadith, il ne faut pas laisser les coups de koufa, il ne faut pas le saluer en premier. De toute façon, c'est peut-être ça. Hein. Regarde, tu as l'image à côté. Regarde Mahmoud comment il est, comme sa cravate. Tu vois ? Moi, le Mouazef aussi. Hein. C'est tous Aouzoubillah. Ça y est. Mouazef, Mouazef al-Jawazad, à Chakoul. Ahlan Bik. Ahlan Bika. Hal tasmahu bijawazi safari wa bitaq. Ahlan bika, ça c'est une formule de bienvenue. Mm. Tu dis ahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan, tu dis wa marhaban, c'est quand tu annonces la bienvenue pour une personne. Même tu peux le dire en séparation. Et, quand quelqu'un il se sépare, tu peux dire marhaban. Tu peux le dire. طيب هل تسمح بجواز السفر وبطاقة الوصول me permets-tu de voir en fait il y a un تقدير tu ne vois pas mais c'est de voir ou de prendre le passeport et la carte d'arrivée il n'est pas écrit mais tu déduis quoi. Mahmoud تفضل شكرا vas-y Merci. Ouais, je crois que l'on commence par merci. Mahmoud, il est tellement nerveux d'avoir bâti le courage. Mahmoud se dirige vers les portes de sortie. Non, Nahouna, c'est le gervais. Vous voyez, en direction. On peut remplacer par Ila. Non, je peux le faire. Nahou, c'est en direction. C'est l'un des sens de Nahou, il y a d'autres sens. Vous voyez, Mouazaf el Jawazat. إلى أين أنت متجه؟ متجه. متجه. متجه. كما تقول؟ إلى أين أنت متجه؟ نعم. أنا متجه إلى بوابة الخروج. Je me dirige vers les portes de sortie. نعم. يتجه إلى بوابة الجمالك أولا dirige-toi vers la pièce de la salle des douanes en premier نعم في ذهوي الجمالك donc dans la salle des douanes ماذا أنت ماذا في حكيبة qu'est-ce qu'il y a dans tes valises? Dans ta valise. Dans ta valise. Non. Bardul malab ici ou un couteau. Quelques vêtements et quelques livres. Non. Ma valise, malabis, c'est les vêtements. Malabis, non. Des vêtements. Et tu as pareil. Le chaou, c'est un vêtement. Ça. Iftahi al-Hakibata. Hakiba. افتحي حكيمة. ما معنى هذا؟ افتحي في الأمر. فتح هذا جاكو فتح يفتح. ما معنى فتح يفتح؟ إلا تعريفه معروف تلقون هذا يعني فتح نعم بس افتح نعم أيوة أوفلا بريز نعم ثم الجملة عليك كذلك تفضل toujours pour toi. Après qu'il est ouvert, il y a un temps, on sait qu'on a compris qu'il y a un temps qui s'est passé. Fahasa, il l'a cherché, il a fouillé, il a regardé. Ensuite, il a dit ce qu'il a su. Yumkinuka. Yumkinuka. Non. Non. Yumkina, Amkana. Il y a une fois, il y a une en fait, c'est pour le kef qu'elle est. C'est une erreur. Il est pour le kef la kasra en fait. Normalement le mime il est sakin. C'est yum ki boka. C'est possible de sortir. Ou tu peux sortir. Akfila. C'est tu peux la fermer. Tu referme-la. Il était possible de partir. Mahmoud. Shukran jazilan. Merci. Merci beaucoup. Aïd, shukran. Jazilan. En fait, c'est un grand merci. Chaleureux ou. Pas mal. Après, comment c'est. L'exercice, يقول اولا استمع وردد. Donc il dit écoute et répète. Là, il va vous apprendre, comme on avait dit au début, à faire le ism fa'il des verbes autres que le thulathi. Vous voyez, les verbes qui ont plus de trois lettres. Et pour ceux, on va d'abord le prendre sur le tableau. C'est très simple. C'était quoi, on avait dit Mawal wazn fi sarf. C'est quoi la mesure en sarf? C'est quoi la balance? Le modèle. Fa'ala. Vous voyez, fa'ala. Fa'ala, c'est un thulathi, trois lettres. Maintenant, on veut quoi? Arubai. À quatre lettres. On va rajouter un hamza. A Af'ala. Vous voyez Af'ala. De l'obaï, t'as d'autres. Hein, t'as d'autres voix, t'as pas que Af'ala. Dès avant 4 lettres, vous voyez, t'en as 3. T'as Af'ala, t'as Fa'ala, t'as Fa'ala. Lakin, non, pour l'instant, on se concentre sur celui-là. Af'ala. Comme Akfala, comme ils disent dans le verbe. Arsala. Et ensuite, c'est quoi le moudouaria de Rubai comme Akfala, Afala, ça va être Yuf'ilu. Ça, c'est moudouaria. Yuf'ilu. Et tous les Rubai, on a dit quoi? C'est une Dhamma et une Kasra pour la fin. Une Dhamma au début. Et le Aïn, la lettre qui est avant la fin, la lettre de Kasra. Tous les verbes à 4 lettres, ils sont comme ça. Vous voyez? Maintenant, on veut son ism fa'il. Comment on fait son ism fa'il? C'est très facile. Tu prends la même forme, sauf que la place d'un ya, tu mets un mim. Mufailou. Voilà, c'est tout. Là, tu as l'isme fa'il de Af'ala. Comme on a dit la dernière fois, un exemple. Mathalan. Mahala. Aslama. طيب أسلم سيكون اسم مضارع مضارع يسلم طيب يسلم سيكون اسم فاعل مسلم طيب مسلم هكذا tous les verbes en quatre lettres à la forme de afala ils font comme ça. Maintenant un autre verbe ittajaha mathalan ittajaha ce côté là il n'est pas bien pour écrire c'est parfois ittajaha ittajaha taïb ittajaha là on fait c'est un ya et on fait le djinn taïb يتجه طيب يتجه فاس المضارع طيب في المضارع يبقى pour faire un اسم فاعل tu remplaces le ya du مضارع par un mim متجه طيب tu dis متجه هكذا متجه et tous les autres même le khumasi et le soudasi c'est pareil la première lettre du mudawariya qui est un ya ou un te ou un nous ça dépend du fa'il du sujet tu enlèves tu mets un mim avec une damma à la place tac t'as l'isme fa'il et tu mets un tanoum n'ira pas c'est tout et là comme ça là t'as l'isme fa'il du rubai du khumasi à 5 lettres et du soudasi à 6 lettres c'est pas compliqué. Donc écoute et répète. Et là il va tout simplement mettre ça en application. Awalad Mahmoudun yattajihu ila al-bawwaba. Mahmoud se dirige vers les portails. Donc comment on va dire Mahmoudun muttajihun ila al-bawwaba. Là on a quoi muttajihun dans l'ism fa'il. Et les deux phrases ont le même sens. Voyez. ثانيا رشيد يقفل الحقيبة محمود كدنس فعل مكدنس لا باليز نعم رشيد مقفل الحقيبة لا هنا اسم فعل مقفل المعنى ايوه نفس المعنى نعم علي يرسل رسالة Ali envoie une lettre. Yursilu, c'est quoi le mot dit Arsala. C'est comme celui-là, Afala. Même wazn. La même mesure. Quand tu dis quoi Aliyun Mursilun Tayyib Risalatan. Même sens. Sabi'an At-ta'ira Tukhli'u Fis-sabah. L'avion décolle le matin. Aqla'a, c'est quoi le mot dit Yukli'u. En fait, je vois. Non, j'ai dit déjà. Yukliu, son mardi c'est Aqla'a. Naam. Faminan, At-ta'iratu mukli'atun fis-sabah. Là on a mis un thème arbouta à la fin, pourquoi? Parce que ta'ira c'est mouannas. Attention. Donc l'isme fa'il il va suivre. Taïb, en genre et en nombre, celui que tu veux définir. Par exemple là, muslim, c'est rajoul, un homme. Une femme, tu veux dire quoi? Muslima. On met un tumar bouton à la fin. Taïb? Donc c'est pareil pour ces choses-là. Et comme ta'ira c'est un mouannas, alors l'isme fa'il il va être mouannas. Mukli'atun. Tasi'an. Fatimatu tusafiru il est Pakistan. Taïb? Fatima voyage au Pakistan. Fatimatu musafiratun il est Pakistan. Donc là c'est musafira. Et c'est le même sens. Adi Achar, onzièmement, El Waladu Yusli'u fil Khuruj. Ça vient du verbe Asla'a Yusli'u qui veut dire se précipiter, se dépêcher. Aller vite. Asla'a, c'est aller vite. Se dépêcher, se précipiter. Ça vient du mot Sul'a. Sinura Lu'ayn. Qui sont Al-Mad à l'origine du mot. Donc El Waladu Yusli'u fil Khuruj. L'enfant se précipite à sortir. Tu vas dire quoi? Al-waladu musbi'un fil khuruj. طيب ثانيا pareillement استمر وردد on ne peut pas répéter normalement c'est en classe جايت طايرة جايت طايرة جايت جايت طايرة جلس الطالب جلس الطالب بل فيها ما نحتاج إلى هذا on avait même à Libanais il tapait des mains et chantait il a pris une définition c'est Sabori un des profs que j'ai eu. Il prend une définition d'un mot, par exemple, il te la faisait en chansonnette, il tape des mains. Il dit ça fait rentrer dans la mémoire et tout. Après, il devine devant moi, il commençait à dire. Il dit non, il tape ses mains, il chante, il peut faire le. Je chante pas, je tape pas des mains, lui. À l'époque, je ne suis pas en le hukum. Je dis pas que c'est haram, tu vois, je sais pas vraiment, je dis en tout cas, ça m'attire pas, je préfère comme ça. Il m'a dit pas de problème. Le plus important, tu apprends la définition. Je fais la définition sans taper des mains, sans chanter. Et d'autres qui. Tu vois, ils étaient un peu plus souples que moi, ils tapaient des mains et chantaient. Je suis propre. Je suis propre, ouais. Et c'est un philosophe, il aime la philosophie. D'ailleurs, c'est un mur, on l'a dit. Donc il dit Ibrahim, yursilu risalatan. Donc Ibrahim envoie une lettre. Et Ibrahim, la yursilu, le fer'il, le sujet, ça va être huwa. C'est il en fait. Ça revient Ibrahim. Donc le verbe, tu mets au début un ya. Comme yafal, yadhab. Vous voyez? Et là, il t'apprend quoi? Comment conjuguer les verbes en quatre lettres. Et ça revient ce que je vous ai dit. Tu mets le damma au début. Vous voyez? Et tu mets le kasra sur la lettre qui est avant la fin. Toujours. Robari, il est toujours comme ça. Là maintenant, quand tu vois yursilu, si tu as bien compris, tu sais déjà c'est quoi son maradi. Tu dis Yursilou, ça va être en 4 lettres, ça va être quoi? Arsala. De toi, tu vas le trouver après. At-ta'ira tukli'u fissa'adissa. L'avion décolle à 6 heures. Donc là, pareil, tukli'u, c'est akla'a, c'est un roba'i, un verbe en 4 lettres. Salisan, Zainabu, tusafiru, il est le Hind. Zainab, voyage en Inde. Donc là, tusafiru, ça, à 4 lettres. Et c'est quoi l'origine? Safara. Safara. Safara, là, hey, wazn, à quelle mesure? Il faut tout qui répond. Si on se base sur ça, là. Safara. Comment tu dirais, là? Ekfa'ala, comment tu mets ça? Ekfa'ala? Aïwa. C'est quoi la mesure? Si? Ekfa'ala? Non? Alors, si je te dis, aslama, c'est quoi sa mesure? Tu vas dire, af'ala. Donc, Safara, ça va être quoi sa mesure? Ça va être quoi, c'est quoi ça? Toi, Robert, c'est quoi les trois lettres d'origine? Moi, c'est le Sin. Aïwa. Fa. Elfa. On a rajouté quoi? Alif. Donc, fais pareil avec Fa'ala. Comment tu vas faire? T'as le Fa, t'as le Ra, t'as le Lem. Tu vas dire? Fa'ala. Fa'ala. Ah. Fa'ala. Le sens, c'est comme ça. Une fois que t'as compris tout ça, après, avec un mot, tu vas en trouver 10 tout seul. Bismillah. Tu sauras comment conjuguer, demain tu auras isme fa'il, tu vas savoir c'est quoi son verbe mardi, son mot d'alir, qu'est-ce qu'il veut dire, et tous les autres verbes, tous les autres mots qui vont avec. C'est mathématique. Non, ça ne faut pas croire. Hein. Avec un exemple fort, deux exemples dans force, ça va vite. Ça va rentrer direct. Crois pas ça, c'est pas des années. Hein. Pas des années, l'exemple, ça va vite, alhamdoulilah. Voilà, déjà là, en Inde, ça a appris comment faire isme fa'il d'un verbe à 4 lettres, d'un verbe à 5 lettres, d'un verbe à 6 lettres. En index. Maintenant, demain, je donne n'importe quel verbe à 5 lettres, 6 lettres ou 4 lettres. Si tu fais, tu vas me donner automatiquement. Maintenant, tu vas savoir comment faire. Tu apprends juste ça, que ce soit dans ta tête. Demain, je t'interroge, je vais répondre direct, Inch'Allah. C'est pas dur. Ramadan, Inch'Allah, bon, il va m'interroger. Taïeb. Rabi'an, Ismaïlu yusri'u fil machi. Ismaïl marche vite, en fait. En fait, on va dire, il fait vite. Machi, c'est la marche. On ne va pas dire il fait vite dans la marche. On va dire il marche vite. Mais à la base, c'était à mon parlance, on devrait traduire mot pour mot, on dirait Ismaïl, Taïm, se dépêche dans la marche. Mais ça ne se dit pas. Taïm, Yusli'u, s'interroge maintenant, j'attends pas demain. C'est quoi son maradi? Yusli'u, c'est un verbe à 4 lettres. Yusli'u, son mardi. Ayo, c'est quoi? Asli'u. Ayo, regarde. Vas-y. Ayo. Asla'a. Asla'a. Asante. Tu vois, t'as compris déjà. Alhamdoulilah. C'est pas assez. Hey, je te dis, regarde. C'est normal, là, c'est tout frais. Tu vois, c'est tout frais. Donc regarde. Ça sert à ça le wasp. Tu regardes le wasp, tu réfléchis, c'est mathématique, tu comptes, tac, tu trouves. Mais dans quelques temps, toi-même, ça revient tout de suite, tac, dans ta tête. Inch'Allah. C'est Moussial. Non. Khamisan Muhammadun yuradiru al-Madina. Vous voyez, Mohamed quitte Al-Medina. Yuradiru, c'est quoi son mardi? On l'a pris en piste, de toute façon. Radara. Comme ça, Radara. Ils ont le même wazn. Ala wazn fa'ala. Khamisan. Al-Sadisan. Al-Musafiru yatawajjahu ila salati al-Mughadara. Vous voyez, Musafiru, là, c'est quoi? Al-Musafiru. C'est le fa'il de Safara. Vous voyez, yatawajjahu. C'est le mudaria de tawajjaha. On l'avait pris déjà. Il est salati mughadara. Mughadara, c'est le masdar de ghadara. Le masdar, comment les prendre, ça va venir après. C'est un autre cours. Comment tu prends le masdar d'un ruba'i ou d'un khumasi ou khudasi, c'est pas assez mathématique. Ils ont des poids, après tu les connais tous. Le problème, c'est les trois lettres. Je vais les plusieurs. Trouver un masdar d'un verbe à trois lettres, c'est du par cœur en général. Il n'y a pas vraiment de règles. Quelques règles, mais elles ne sont pas générales. Alors que les autres, c'est tous, si tu sais son mardi, tu vas trouver c'est quoi son mardi direct, Inch'Allah. Ils ont tous les mêmes formes. C'est comme ils sont faits. C'est les mêmes. Même nom. Al-Muradara, il ressemble. À quoi? Il ressemble à Al-Musafir, par exemple. Ouais, mais le mardi de Safar, c'est pas le Musafar, justement. Attention. Ça va être un piège. Al-Muradara, c'est le mardi de Radara. Non. Et Radara, il est comme Safara. Non. Et pourtant, le masdar de Safara, c'est pas Moussafara. Ouais, c'est Safara. Il y a des petites exceptions des fois. Subtilité, mais c'est pas nombreuse. Si t'as compris la règle générale, à la base, c'est déjà un grand khair. C'est un grand bien déjà. Tayyib, Sadisan, là, on a pris Sadisan. Sabian, Mahmoudun, Yattajihu, il est Ta'ira. Mahmoud se dirige vers l'avion. Yattajihu, c'est le Moudaria de quoi? اتجه الخطوط السعودية تعلن عن رحلتها. Donc les lignes aériennes, compagnies aériennes saoudiennes annoncent leur vol. Donc là, تعلن, ça vient de quel verbe? أعلن. نعم. مفهوم هذا؟ Je ne sais pas dire pareil. مُعلن, c'est le اسم مصدر. نعم. ثالثا استمع وردد. Écoute et répète. Donc là, il va vous montrer quoi encore la différence, le vrai sens de yani an. An, quand tu rentres dans un verbe, voyez, an, quand tu rentres dans un verbe, il fait ressortir en arabe, hein, bien sûr, pas en français. Il est interprété par le mazdar, en fait, du verbe dans lequel un il est rentré. Un exemple, si je te dis uridu an ajlisa, taïeb, uridu an ajlisa, c'est quoi le sens? Uridu al julus. C'est ça que ça veut dire. Right? Ah. Uridu al julus. C'est le sens du mazdar. Le mazdar. Et en plus, un petit fait en plus, ça a le sens du futur. Dans le sens d'un futur. Pourquoi? Quand je dis oui, je dis ça. Je vais m'asseoir. Est-ce que tu es assis quand tu dis ça? Ça n'a pas de sens si tu es déjà assis. Tu es assis, je vais m'asseoir. Mais on va dire, après, tu es assis. Donc, c'est-à-dire quoi? Tu veux t'asseoir, donc tu ne l'es pas encore. Donc, ça va arriver après. Donc, tu déduis de ça que tu veux quoi? Le futur. Vous voyez? Ça démontre le futur. Et tu interprètes le verbe dans lequel un il est rentré par son masdar. Comme ça va venir maintenant dans les exemples, Inch'Allah. Il y a cool. Yumkinuka antakhruja. Il t'est possible de sortir, ou tu peux sortir. Comment tu l'interprètes? Yumkinuka al-khuruj. Et c'est le même sens. Allez, c'est le même sens. La sortie t'est possible. ثالثا يمكنك ان تدخل يجب تي بوسيبل دو رونتري يمكنك الدخول رونتري تي بوسيبل خامسا يمكنك ان تصل تي بوسيبل داريفي تو دير كوا يمكنك الوصول لايفي تي بوسيبل يمكنك ان تسافر تي بوسيبل دو فواياجي يمكنك السفر لو voyage est possible. تاسعا يمكنك ان تغادر est possible de partir. يمكنك المغادرة. حادي عشر يمكنك ان تعود. تدير كوا عاد يعود داود عاد يعود عاد عاد يعود نعم. Tu dis quoi? Yumkinuka al-auda. Al-auda c'est masdar. Voyez? Yumsi ayada. Ayada c'est plus. Aada, un autre sens que ce poète. Takul il-yum ana sa'oudu maridan. Je vais visiter un malade. Ça parle malade de ziyara. Donc quand tu dis aouda, c'est le masdar. Un verbe peut avoir plusieurs masdar. Attention. Un verbe peut avoir. Plusieurs mazdar. Si tu dis Aouda de Aada, ça veut dire revenir. Mais si tu dis Ayada, c'est la visite du malade. Par exemple, chez le docteur, tu vas voir si en arabe Ayada tel tabib, visite du docteur. On ne peut pas dire Ziyara. On va dire Ayada. Et ça vient du même verbe Aada Yaoudou. Taoud al-Marid, c'est tu visites le malade. Zara, c'est visiter aussi. Aussi, non, c'est le même sens. Mais en fonction de la phrase, le sens il peut changer. Vous voyez, tu dis Aoud, il est le bait, tu reviens à la maison. Aoud, el marid, je visite le malade. Tu dis pas Yad, el marid. Si, tu peux dire. Ouais, tu dis non. Mais c'est quoi le. Pourquoi c'est un mouvement en fait c'est, quoi, là, c'est parce que c'est dans ce contexte. Non. C'est différent pour t'arriver à différencier entre eux. Les deux sens voulus. Taïeb, là il dit, moi là c'est un truc que je vous rajoute, il dit, Yumkinuka al-Mutakhruja, il était possible de sortir. Ben, maintenant je veux que tu me dises, il vous est possible de sortir. Comment tu vas dire? Il vous est possible de sortir. Maintenant je veux le pluriel. Comment tu vas dire? Vous. Yumkinukum. Nam al-Khruj. Il leur est possible de sortir. Eux, comment tu vas dire? Yomkinuhum. Nam. Il lui est possible de sortir. Au féminin. Yomkinuha. Al-Tahbouja. Maintenant, je veux, il m'est possible à moi de sortir. Yomkinuni. Nam, Yomkinuni. Vous voyez? Donc après, c'est pareil. ثالثا حول الجمل الآتية كما في النموذج transforme les phrases suivantes comme dans l'exemple المسافر يريد الخروج طيب le voyageur veut sortir المسافر يريد أن يخرج طيب المسافر يريد أن يخرج donc c'est confiant de ce qu'on a fait en haut là au début vous met quoi le masdar ben vous fassiez quoi la phrase avec le verbe أن tamam Ada fil bait. Ça c'est la maison. Ça c'est la maison. Mais on peut juste faire le premier là pour voir. C'est le premier. La première phrase. Allez. Il dit El Musafiru Yuridu Istikhraj Al Jawaz. Donc on va dire El Musafiru Yuridu An Yastakhrija Al Jawaz. Et quand N, il rentre sur un verbe au singulier, on mène pas de là. Il est mon saut. Vous voyez, il est mon saut. Ce n'est pas N, Mohamed, Yuridou et Nietzhabou. Non, tu dis N, Nietzhaba. Si tu dis N, c'est une grosse faute de grammaire. Vous voyez, une grosse faute de grammaire. En général, il met une soukoune. Oui, en général, il se fait pas la tête. Il se fait pas la tête, une soukoune. Mais quand tu testes quelqu'un, on lui dit Mohamed, Yurid, En, Yahruj. Tu te dis, mets-moi les harakats. Là, il va bégayer. Tu vois, il va te dire Mohamed, Yurid, En, Yahrujou du nord. Il y a pourquoi ? Et là, tu vas peut-être l'arrêter. Bah, je sais pas, quoi, on entend les gens, ils ne parlent pas comme ça. Mais quand tu sais, tu sais. Tu n'es pas obligé de le dire, la haraka, tu peux t'arrêter. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Dit. C'est quoi la haraka de Yahruj ? Après N, s'il connaît, il va dire, Fatah, halas. Et s'il faut qu'il bégaye ou il cherche, tu dis toi, tu révises. Ou que tu apprennes si tu ne connais pas encore. Voyez. Rabian. Non, halas. Vas-y, c'est Rabian. Rabian, Adil, Anna Asila, El Adia. Comment est-ce que tu il dit, min aïna anta qadimun. D'où viens-tu? Entre parenthèses, al qahira. Donc tu dis, anna qadimun nil qahira. Je viens du Caire. Al qahira, c'est le Caire. Vous faites pareil que quelqu'un qui sont en dessous. Et entre parenthèses, c'est le nom de ville, de lieu. Al khultoum, je sais pas si. Khultoum. Non. Tu connais, n'est-ce pas? Ah ouais, mais là, c'est pas. Khultoum, c'est sous le Soudan, sous le Khartoum, du coup. Peut-être, je sais. Je connais pas son son légal en. Khultoum, tu connais, c'est ça? Non, c'est pas pareil. Là, c'est le nom d'une, d'une ville, c'est le nom d'une capitale. Ah oui, son nez là, son nez là. Mmh. Ah, c'est pas pareil dans le Coran. Peut-être qu'ils ont pris le mot de la ville par rapport au Coran, mais dans le Coran, c'est pas le. Ça s'écrit pas comme ça, c'est Khartoum. Si, c'est pareil. Allez, Allez. Mafoum, Anna, Arabia. Allez. Al-Khamis, Yakoul, Adib, Al-Asiatin, Atiya, Kemma, Fina, Mouza. Tu sais, c'est bien. Il y a une question d'une Aïda à la Khadimun. Non. Pas, je ne sais pas si je suis du Bédou. Tu sais ce qu'on peut dire. Il est où, Anna? Où est-ce que j'arrive, Khamis? C'est juste pour t'apprendre à employer le dormir à photo. Là, je ne dis pas à la base. Tu te demandes où est-ce que je viens, parce que tu es dans les pommes, tu viens de te réveiller. D'où je viens, peut-être, mais là, ça en fait tout ce que tu viens. Taïd, Khamisan. Il a Aïna Anta Muttajihun. Entre parenthèses, il met Beyrouth. Là, c'est pas où, ça c'est Beyrouth. D'accord, Aïna Muttajihun, il est Beyrouth. Donc là, c'est pareil que l'autre. Vous voyez? Où est-ce que tu. Par exemple, il a Aïna Anta. Il a Aïna Anna Mouradiratun. Donc là, c'est une femme qui parle. C'est une femme qui parle. On a mis un tas là-bas. Un amoura dira tout, il est dom-dom. Vous voyez ? Il est dom-dom. Et le service, c'est le, parce que j'essaie de le lire, apparemment il est un peu. Le service, c'est. Fibait, hein ? Non. Le service, Inch'Allah, Arhamoukoum Fi. Vous voyez ? On le fait pas parce que j'ai regardé un peu le dénoncé là et il n'est pas clair, il est un peu désordonné. Pas mal ? Pas mal. Bah, fous-moi la tu souhaites ? Non, là, il fait. Là, pas du tout. Mahmoudou, Yattajihou, il est Tahira. Yattajihou. Yattajihu, Yattajihu, se dirige vers, le, vers l'avion. Ittajara. On l'a pris dans le vocabulaire ancien. Donc tu le révises, tu retournes en arrière, tu vas retrouver Inch'Allah. De toute façon, il est même à la fin. Je dis à la fin, tu as dictionnaire. À la fin, tu as un bon djem. À la fin du livre. Tu vas avoir un livre, tu vas trouver Ittajara, il va te dire. Qu'est-ce que vous l'avez dit avec hein? Là il y a pas eu la ou là. On a quand même. On a dit qu'il y avait même pas ce qu'il y avait.